بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, cette série de cours, le commentaire du livre فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة de Ibn Aqil, rahimahullah ta'ala. On était arrivé à un passage très important. Du moins, on avait fini le premier fasl. On était arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit والمصافحة مستحبة بين الرجال. Et le fait de se serrer la main est recommandé entre les hommes. Ou du moins, excusez-moi, بين الرجلين. Donc il est recommandé pour deux hommes de se serrer la main. Et ici, lorsque l'auteur il nous dit entre deux hommes, et donc on applique le même principe pour les femmes. On applique le même principe pour les femmes. Car la base est que, donc, les règles de la législation sont semblables pour les hommes et les femmes, sauf s'il y a une preuve qui amène, qui montre une distinction entre les deux. Et donc, effectivement, il est recommandé que deux hommes, lorsqu'ils se voient, lorsqu'ils se rencontrent, qu'ils se serrent la main. Et il y a plusieurs hadiths qui montrent cela. Il y a un hadith notamment donc, dans Sunan Abu Daoud ainsi que dans Jami' al-Tirmidhi, c'est le hadith d'Al-Bara, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma min muslimayn yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufir lahuma qabla an yaftariqa. » Allahu Akbar. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas deux musulmans qui se rencontrent et qui se serrent tous les deux la main sans qu'ils soient pardonnés aux deux jusqu'à ce qu'ils se séparent. Et donc, il est recommandé, il fait partie de la sunna, lorsqu'on se passe le salam, de se serrer la main. Et on rajoute à cela aussi le fait qu'il fait aussi partie de la sunna, barakallahu fikoum, le fait d'être souriant. Tu ne vas pas serrer la main avec un visage fermé. Tu ne vas pas serrer la main avec un visage fermé et montrer donc de l'animosité ou de la haine à ton frère. Parfois, certaines personnes, lorsqu'ils te passent le salam, lorsqu'ils te saluent, ou du moins lorsqu'ils saluent une personne qu'ils ne connaissent pas, Subhanallah, sur leur visage, on aura dit que c'est marqué qui est cette personne, qu'est-ce qu'il est venu faire là, etc. Qu'est-ce qu'il pense de si, etc., etc. Yahi, ton frère, il vient d'arriver, tu ne le connais pas encore. Salam alaikum, marhaban. Normalement, ton visage, il doit lui donner envie de rester là. Bienvenue, marhaban, au Markaz al-Furqan. Bienvenue à telle et telle mosquée, bienvenue, etc., etc. Bienvenue chez les gens de la sunna. Parfois, certains, par leur comportement, ils vont faire fuir les gens. Pourtant, donc il a été rapporté dans Sahih Muslim, d'après Abu Dhar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tahkiranna min al-ma'roufi shay'an » Ne méprisez aucune bonne action. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne méprisez aucune bonne action. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Et même le fait de rencontrer ton frère avec un visage ouvert, un visage souriant. Et donc il est important, barakallahu fikum, de faire attention à ce point. Concernant la moussafaha toujours, c'est-à-dire le fait de se serrer la main lorsqu'on se rencontre. Les savants, ils ont abordé un sujet qui en réalité c'est une innovation. Les savants les ont mis en garde contre cela. Parmi eux, il y a donc Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah qui a mis en garde contre cela. Il y a Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a cité qu'il y a unanimité sur le sujet, sur le fait que donc après la salat, on n'a pas à se serrer la main après la salat comme certains vont faire. Se serre la main, se passe le salam ou taqabbal Allah minna wa minkum wa taqabbal Allah après la salat. Ils disent les savants, après les salats obligatoires, ils disent c'est pas une sunna. Ce n'est pas une sunna. Mais il y a quelques détails qu'il est bon de connaître. Voilà pourquoi je vous ai donc rassemblé quelques fatwas ici que je vais vous lire bi'idhnillahi ta'ala. Premièrement, une fatwa de Al-Lajna Da'ima, le comité permanent, où ils nous disent اعتياد المصافحة بين بعد الصلاة أو بعد الصلاة الفريضة بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين بعضهم مع بعض كل ذلك بدعة لا أصل لها. Et donc ils nous disent donc le fait de prendre l'habitude de se serrer la main après la prière obligatoire, le fait que ça soit entre l'imam et les fidèles ou le fait que ça soit les fidèles entre eux, ils disent tout cela est une innovation, il n'y a pas de fondement en cela. Wal wajib tarkuhu, et certes ce qui est obligatoire c'est de délaisser cela. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui accomplit un acte qui ne respecte pas notre commandement, celui-ci est rejeté. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli bi ashabihi wa kadhalika khulafa'uhu min ba'dihi kanu yusalluna bil muslimin wa lam yunqal anhu iltizamul musafaha ba'd kulli salat. Et donc il continue en disant, et certes, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, il dirigeait la prière avec ses compagnons, et les califes bien guidés après lui aussi ont fait comme tel. Et donc il priait avec les musulmans, et il n'a pas été rapporté de lui qu'il pratiquait donc la musafaha, le fait de se serrer la main, régulièrement après la salat. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الى ميار دي غيدي لا غيدي دو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها, et certes les pires des choses sont les inventions. وكل محدثة بدعة, et toute invention est une innovation. وكل بدعة ضلالة, et toute innovation est un égarement. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Et donc voilà la donc cette fatwa de Lajna Da'ima sous la présidence de l'imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ici, une deuxième fatwa de l'imam Ibn Baz rahimahullah sur le même sujet. Mais ici, dans cette fatwa, elle est un peu plus longue, il y a quelques détails donc qu'il est bon de savoir. L'imam Ibn Baz rahimahullah, il est interrogé: "Hal yasihu qawl taqabbal Allah wa taslim bil yad ba'd itmam as-salat wa hadha sha'i'un bayna an-nas?" Et donc, est-il permis de dire « Taqabbal Allah » qu'Allah accepte, ou donc de se passer le salam en se serrant la main après avoir fini la prière? Ceci est répandu, propagé chez les gens. El Jawab. Il répond l'imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Il dit « Iza safaha akhahu ba'd as-salati ba'd faraghihi min adh-dhikri إذا كان ما صافحه قبل ذلك فلا بأس. » Et donc le même qui nous a dit précédemment que c'est une innovation, ici il nous donne un détail important. Il nous dit rahimahullah, si la personne elle serre la main de son frère après la salat, après avoir fini les adhkar. Tu as fini ta salat, c'est quoi la sunna? La sunna c'est l'adhkar. Les gens ils finissent la salat, salam alaykoum taqabbal Allah, salam alaykoum taqabbal. Et les adhkars qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, l'imam Ibn Baz, il nous dit, si tu as fini ta salat et que tu as fini l'adhkar, et que la personne, tu ne l'avais pas encore vue après cela, que tu ne l'avais pas encore salué, que tu n'avais pas encore serré la main, alors là, il n'y a pas de mal. Lakin, min hini yusallim yabda bil musafahati, hada ghayru mashru'. Par contre, à partir du moment où la personne elle finit sa prière, elle finit sa prière avec le taslim, et elle commence directement avec al-musafaha, le fait de serrer la main de la personne qui est à droite et à gauche, elle dit ça, ce n'est pas légiféré. Ce n'est pas légiféré, hada ghayru mashru'. إذا سلم يقول أستغفر الله ثلاثا. Lorsque donc il finit sa prière, il dit أستغفر الله ثلاثا. Il implore le pardon d'Allah تبارك وتعالى trois fois. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم ينصرف المأموم ينصرف إلى المأمومين. Et donc la personne elle finit de faire ses invocations. Ici l'imam Ibn Baz il a cité quelques invocations. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver donc sur le site l'explication de Umdat al-Ahkam. On avait abordé quelques invocations qui sont recommandées après la prière et le sens de ces invocations. C'est important aussi de méditer sur cela. Et donc ici, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il nous dit que lorsque la personne elle finit ses invocations, à ce moment-là, elle se tourne vers les musulmans, elle se tourne vers les fidèles. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. Et c'est ainsi qu'il faisait le prophète عليه الصلاة والسلام. إذا سلم من الصلاة, lorsqu'il finissait la prière. وإذا صافح أخاه من يمينه أو شماله إذا كان ما صافحه قبل ذلك هذا حسن. Et donc si la personne elle serre la main de la personne qui est à sa droite ou à sa gauche, si elle ne l'avait pas fait avant, alors il n'y a pas de mal. Ça c'est bien, il dit هذا حسن. هذا حسن, c'est correct. لما فيه من الإناس والتآلف. Dans tout ce qu'il y a cela, dans tout ce qu'il y a dans cela comme le fait d'unir les cœurs, de mettre de l'harmonie, de rassembler. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Et certes le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith authentique, puis-je vous montrer une chose que si vous le faites, vous allez vous aimer mutuellement. Afshu salam abeinakum. Répandez le salam entre vous. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusafihu ashabahu. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait la main de ses frères. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam idha laqiya ahadukum akhaha falyusallim alayhi. Fa idha halat bainahuma shajaratun aw jidarun aw hajarun. ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous rencontre son frère, alors qu'il lui passe le salam. Et s'il y a donc un arbre ou un mur ou une pierre qui les sépare, alors lorsqu'il le rencontre après cela, il lui repasse le salam. وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم. Et les compagnons lorsqu'ils se rencontraient, il se serrait la main, radiyallahu anhum. Fal musafahatu wassalamu sunnatun muakkada. Et donc, al musafaha, le fait de se serrer la main et de se passer le salam, c'est une sunna qui est vivement recommandée. Wa fi dhalika khayrun adhim, il y a en cela énormément de bien. Wa ta'alluf wa inas, il y a en cela donc le fait de placer de l'harmonie. Et donc d'unir. Wa taqarubin bayna al-muslimin, un moyen de se rapprocher entre les musulmans. وإذا كان قد سلم عليه في الصف قبل الصلاة كفى ذلك إن شاء الله. Mais par contre, si la personne avait déjà donc salué la personne dans le rang avant la prière, alors cela suffit, inshallah. وَإِنْ صَافَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَدُرُّ inshallah. Et si il lui serre la main après cela, donc après avoir salué, cela ne fait pas de mal, inshallah. لَكِنْ يَكْتَفِي بِالْمُصَافَحَةِ الْأُولَى. Cependant, il se suffit d'avoir salué, d'avoir serré la main de la personne la première fois. Walhamdulillah. Et donc ici l'auteur, ici l'imam Ibn Baz rahimahullah, il nous donne un autre détail. En réalité, donc c'est le fait que cette personne, donc toi tu rentres dans la mosquée. Tu rentres dans la mosquée, tu as déjà salué la personne, salam alaikum mon frère, la baisse allez, que ça va bien, la famille, tout va bien, jazakallah khair, etc. etc. Et c'est le moment de prier, vous priez. Tu as fini la prière, tu ne vas pas le resaluer encore. Et maintenant, un autre cas. Tu arrives, l'imam, il a déjà commencé la prière. Il a déjà commencé la prière. Tu arrives, et donc les gens sont déjà en train de prier. Ils sont déjà dans le rang. Tu rentres dans les rangs, tu pries avec les gens, et lorsque l'imam finit sa prière, tu finis ta prière aussi, et là, tu salues la personne qui est à ta droite ou à ta gauche. La salue. Là, les savants, ils te disent, il n'y a pas de mal. Ils te disent, il n'y a pas de mal. Parce que la personne, tu n'avais pas encore salué auparavant. Un autre détail encore, qui nous permet, qui nous aide à comprendre un peu plus. Ici, une fatwa de Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, rahimahullahu ta'ala, dans son explication de Sunan Abi Daoud. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il avait cité cette même explication avant cela. Et donc, il dit... Donc, le Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, il dit « Al-musafahatu ba'da salati la na'alamu lahi aslan » Le fait de se serrer la main après la prière, on ne connaît aucun fondement concernant cela. « Wa innama takunu al-musafahatu inda al-laqi » Cependant, le fait de se serrer la main se fait au moment de la rencontre, lorsqu'on se rencontre. « Wa idha kana shakhsan mutalaqiyaini » قبل الصلاة فسلم بعضهما على بعض وحصلت المصافحة ثم قاموا إلى الصلاة وحصل السلام من الصلاة فلا يصافح من أجل الصلاة. Et ensuite il nous ramène une précision importante. Il nous dit, lorsque les deux individus se rencontrent avant la prière et qu'ils se saluent mutuellement, et que lorsqu'ils se sont salués, ils se sont donc serrés la main. Puis qu'ils se sont levés pour la prière. Et qu'ils ont fini la prière. Hasal as-salam min as-salat. Et donc ils ont fini la prière. Alors à ce moment-là, il ne lui serre pas la main à cause de la prière. Là, il ramène un détail. Le fait de serrer la main de la personne à cause de la prière. C'est comme si c'est une salutation de la prière en fait. Tu as fini ta prière, tu salues la main, tu salues la personne en lui, donc serrant la main. Il dit, tu ne vas pas serrer la main de la personne à cause de la prière. لِأَنَّ التَّلَاقِي كَانَ مَوْجُودًا مِنْ قَبْلُ Car la rencontre était présente avant. La personne, tu l'as rencontrée avant. وَأَمَّا إِذَا جَاءَ الْإِنسَانُ وَالصَّلَاةُ قَدْ أُقِيمَتْ ثُمَّ صَفَّ بِجِوَارِ إِنسَانُ ولما سلم من الصلاة سلم عليه لأن هذا أول لقائه به فلا بأس به لأن هذا سلام من أجل اللقاء وليس من أجل الصلاة والمحذور أن يكون من أجل الصلاة. Et donc ici il nous dit رحمه الله. Donc, par contre, lorsque la personne, elle vient et que la prière, elle a déjà commencé, comme on a cité précédemment, puis, donc, elle se met dans les rangs à côté d'une personne. Et que lorsqu'elle finit sa salat, elle passe le salam à la personne qui est à côté d'elle. Car c'est la première rencontre qu'elle a avec cette personne. Il dit donc ici, il n'y a pas de mal. Là, c'est le moment de la rencontre, là. Il a fini sa prière, C'est à ce moment-là qu'il rencontre la personne. Là, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que le salam, là maintenant, le salam qui se fait à ce moment-là, il se fait à cause de la rencontre. C'est une salutation qui se fait pour la rencontre. Je te rencontre après la prière. Mais ce n'est pas une salutation qui se fait à cause de la prière. Et certes, ce qui est mauvais, c'est que la salutation soit due à la prière. Voilà ce qui est mauvais. Et donc, il est clair, barakallahu fikoum, que certains ont pris ça pour une habitude et que c'est une innovation. Mais ce n'est pas à tout moment que cela va être interdit. Parfois, ça va être vivement recommandé. Et donc, il faut que toi, tu fasses attention. Il ne faut pas que tu exagères. Et il ne faut pas que tu sois négligent. Certains vont exagérer. Allahul Musta'an. Il est là, mashallah, et il se pose dans sa prière. Après la prière, il y a une personne qui est là, une personne qui est sûrement beaucoup plus âgée que lui. La personne, elle lui dit, « Taqabbal Allah. » Il met la personne dans le vent. Ni il répond à Taqabbal Allah, ni il serre la main, ni il répond au salam, rien du tout. Pourquoi il se dit, je ne veux pas faire une bida. Je ne veux pas faire une bida. Et donc, qu'est-ce qu'il va causer à cause de cela? Une nofra. Il va éloigner les gens de la sunna et des gens de la sunna. Et de notre côté, on va avoir certaines personnes qui vont faire preuve de négligence, de laxisme, des personnes qui ont peur de froisser les autres. J'ai peur de conseiller, j'ai peur qu'ils le prennent mal. Subhanallah. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, yastahyuna minan nasi wa la yastahyuna min Allah. Ils sont gênés des gens et ne sont pas gênés d'Allah. Ils sont gênés des gens mais ne sont pas gênés d'Allah. Ne sois pas comme ça, ya Abdallah. Quelle gêne est-ce que tu as? On ne t'a pas demandé de frapper la personne, ni de l'insulter, ni de mal parler. Mais par contre, tu ne laisses pas la main de la personne comme cela, tu serres la main de la personne et tu lui expliques. Ya Ami, barakallahu fik, mais il faut que tu saches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ça. Et que là, la meilleure chose à faire maintenant, c'est quoi? C'est l'adhkar. C'est ça qu'il faut faire. Les gens, ils ont pris une mauvaise habitude. Je sais, peut-être c'est la première fois que tu entends ça. Mais médite dessus. Si tu veux, tu regardes. Dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, regarde les livres de Sunan. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait après la prière? Tu ne verras pas ça. Et donc le mieux, wallahu a'lam, c'est de délaisser cela. Ami, barakallahu fik, qu'Allah te préserve. Alhamdulillah. On ne t'a pas demandé d'insulter la personne d'ici. Et donc, barakallahu fikoum, les frères, il est important qu'on comprenne qu'on doit appeler les gens au bien. Ne sois pas comme celui qui voit les gens dans un mal et il est là et il ne dit rien du tout. Alhamdoulilah, moi j'ai compris, c'est l'essentiel. Mais non, akhi, il faut que tu t'efforces de prêcher les autres, de montrer aux gens le bien. Et donc ensuite, l'auteur, rahimahullah, il continue et il nous dit « Wala yajuzu musafahatu nisa'i ash-shawab » On va regarder, ça fait combien de temps, Inch'Allah. Subhanallah, le temps passe vite. Il passe très très vite. Et il n'est pas permis de serrer la main des femmes jeunes. Des jeunes femmes. لِأَنَّ ذَلِكَ يُثِيرُ الشَّهْوَى. Parce que cela éveille le désir. Et donc ici, il y a une précision très importante parce que, je ne sais pas pour vous en Belgique, mais en tout cas en France, beaucoup ont essayé de faire passer cela, le fait que les gens de la sunna ne serrent pas la main aux femmes. Maintenant, ça s'est propagé. Ils ont compris que ceux qui s'affilient à la sunna, en tout cas, ne veulent pas serrer la main aux femmes, étrangères. Et donc, certains ont pensé que c'était par rapport au fait qu'il rabaisse la femme, il méprise la femme, etc., etc., etc. Alors que pas du tout. Ce n'est pas pour ça. Ici, l'auteur nous explique la raison. Parce que cela éveille le désir. Parce que l'homme est faible. Nous admettons notre faiblesse. Et nous n'avons aucune honte, aucune gêne à admettre notre faiblesse. Oui, nous sommes faibles. Et alors ? Nous avons été créés comme ça. Pas comme ceux qui ne vont pas admettre leur faiblesse, hein ? Et après, on entend des histoires à droite, à gauche. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, que on admette notre faiblesse. Et qu'on ne tombe pas dans ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit. Et ici, on comprend dans la parole de l'auteur, rahimahullah ibn Aqil, il nous dit, il n'est pas permis de serrer la main des jeunes femmes. On comprend que si c'est des femmes qui ne sont pas jeunes, on peut leur serrer la main. Et ça, c'est faux, barakallahu fikoum. Ce qui est correct, c'est qu'il n'est pas permis de serrer la main de la femme étrangère, qu'elle soit jeune ou moins jeune. Et donc, il faut qu'on fasse très attention à cela. Certes, il a été rapporté de Aïcha radhiyallahu anha dans Sahih Muslim. Qu'elle a dit, mais massa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yad imra'atin qatt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a touché la main d'aucune femme. La parole de Aïcha radhiyallahu anha. Et aussi, elle a été citée concernant al-mubay'a, toujours dans Sahih Muslim. Le fait de prêter allégeance lorsque les femmes elle venait pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne serrait pas la main. Mais il donc prêtait allégeance avec elle par la parole et disait inni la usafihu an-nisa, je ne serre pas la main aux femmes. Subhanallah. Imaginez-vous cette situation, une femme qui se convertit, elle arrive, elle est fraîchement convertie, elle ne connaît pas bien, elle arrive. Et donc là, peut-être que tu vas te dire, bon écoute, si je ne lui serre pas la main, peut-être qu'elle va mal le prendre. Et ensuite, peut-être qu'elle va tout de suite quitter l'islam ou je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, je lui serre la main. Et ensuite, après, je lui explique, par contre, il ne faut plus le refaire, etc. Non, direct, il n'est là où ça, je ne serre pas la main des femmes. C'est comme ça. Tout ça pour vous dire que parfois les gens ont des excuses. Des excuses non valables pour tomber dans le péché. Et parfois certains vont avoir la même gêne dont on a abordé tout à l'heure. Ah non, mais si je ne lui serre pas la main, elle va mal le prendre, etc., etc., etc. Non, non. Tu peux très bien rester poli. Je ne serre pas la main des femmes étrangères, ce n'est pas contre vous, c'est pour me préserver moi. De tomber dans quelconque tentation parce que je suis faible. Si tu veux, tu mets ça sur ton dos directement. Il n'y a pas de problème. Mais ne va pas tomber dans le péché sous prétexte que tu ne veux pas blesser la personne. Comme on a cité tout à l'heure, yastahyuna minan nas wala yastahyuna min Allah. Ils sont gênés des gens mais ne sont pas gênés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et certes, vous connaissez le hadith que l'imam al-Albani, rahimahullah, a jugé authentique. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Le fait que l'un d'entre vous se fasse percer la tête par une aiguille métallique est mieux pour lui que le fait qu'il touche une femme étrangère. Une femme qui ne lui est pas licite. Et donc, barakallahu fikoum, les frères, ce sujet est un sujet important Et dans ce sujet, il y a beaucoup de récompenses à prendre. Le sujet du salam, le sujet de al-musafaha, le fait de serrer la main. Mais il y a aussi des péchés que les gens font. Parfois des innovations, parfois des péchés. Et donc il est important de savoir réussir à distinguer le bon du mauvais. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Toi, il mentionne le cheikh, il aborde donc le sujet de al-mu'anaqa, le fait de se prendre dans les bras. Ce sujet-là, on va le retarder pour la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.